ce monde demeure, que l'absence, le mot, ne soit qu'un à jamais dans la chose simple, l'un à l'autre ce qu'est la couleur à l'ombre, l'or du fruit mûr à l'or de la feuille sèche, et ne se dissociant qu'avec la mort, comme brillance et eau quittent la main où fond la neige. Que tant d'évidence ne cesse pas, comme s'éteint le ciel dans la flaque sèche, que ce monde demeure tel que ce soir, que d'autres que nous prennent aux fruits sans fin.